Document 3, page 62. Oh là là, il y a du monde. Le peintre travaille dans notre société, alors tous les collègues sont là. J'aime bien les couleurs. Tiens, il est curieux ce tableau. Lequel ? Celui qui est à gauche de la fenêtre ? Non, celui qui est juste à côté. Il irait bien dans ma salle de bain. Ah oui, celui-là. Il s'appelle « Ma mère et moi ». Ah bon ? Eh bien, il est bizarre, sa mère. Elle est toute bleue et elle ressemble à un poisson. Pff, tu es vraiment nul. C'est un jeu de mots. Tout ça est trop abstrait pour moi. Je n'y comprends rien. Et celui-ci ? Qu'est-ce que tu en penses ? Celui avec les points colorés. Lequel ? Il y en a trois. Celui dont les points sont plus gros et rouges. Ah ! Il est rigolo. On dirait des petites tomates. Je le verrai bien dans ma cuisine, à côté de mon frigo. Franchement, c'est la dernière fois que je t'emmène à un vernissage. Oh, François, c'est pour rire. Tu sais bien que je ne suis pas très sensible à la peinture. Tiens, voilà le peintre. Plutôt, la peintre. C'est une femme. C'est laquelle ? Celle que tout le monde regarde ? Elle est mignonne. Attention, elle vient vers nous. Bonsoir, Florence. Je te présente mon frère, Alexandre. Bonsoir, c'est gentil d'être venu. Ça vous plaît, Alexandre ? Beaucoup. J'adore la peinture abstraite.